120 technologies sans suite qui offrent d'office avec des freins, j'achète la Suisse. Qu'on vienne pas me m'arracheter pour payer, j'ajoute la centime. Je suis franc, dans les billets me sont donnés en francs billets même. La musique d'un côté chez Universal Music avec leur SACEM. Les nouveautés se trouvent chez Industrial, Le Point et Le Petit Pont. France Minitel s'est restauré à France sur serveur Inox pour une console avec tablette. Les réseaux sociaux y sont, on fait de la télé-réalité, j'observe nos jeux. Coup de fil sur coup de fil, j'ai du réseau 4G sur simple demande, je suis portable, difficile et de me joindre. Autoroute à 4 offerte par la mafia, on a rétabli notre internet sur Minitel. La DDE contrôle les réseaux qui font des scores de moto sur le chemin arboré sans pilotage technique. Sur les parkings, on compte des bornes de recyclage électrique, c'est une première, ça passe sur place et à la salle. La bourse a fermé, fini les équilibrages de charge, matière, problème sur les pneumatiques, un sous-sol perdu, le crack boursier pour racheter les matières premières virtuelles et la vitalité du prix au kilo. Les licences de commerce sont premières pour construire des alternativités. La télévision est un jeu dans un jeu réel sous les inventaires. Tu peux y jouer, on y interagit, c'est la maîtrise de soi qui intervient. La radio Unken plane sur les ondes à micro-ondes laser de Skyblack Walker. Le permis de chasse restitué d'année en année grâce à la protection de la chasse. Les armes d'autodéfense sont des arcs professionnels, voici la donne des darks. iFood, boisson rafraîchissante, je billets 1 milliard d'euros, petit prix de survie. Les branches Peggy sont de la République, j'ajourne. Peggy 100, duel de vainqueur pour la fin, donnée gagnant, honte, ton père, 30 ans en arrière, je galère. Le campus de Montpellier s'est agrandi, bien vu comme Bill Gates, petit Bill, le stade des ténèbres. Moto GP à dessus d'Aix-en-Provence, tour à vivre pour les motards, nos plus belles chaînes de télé sont obsolètes, t'inquiète. Avion sur avion, comment faire parvenir les avions qui savent décoller mais pas atterrir sur piste en guerre 14-18. Les kamikazes avaient de l'essence jusqu'à plus rien à savoir attendre, toi tu comprendre. Les cartes d'identité sont cumulées, c'est vital et orgonal. Point plus, j'ajuste. Studio M des Beaux-Arts donne l'entrée au petit prix de 1 euro. Tintin nous régale avec ses chaussures, Reebok tatouées et toutes indélébiles. Version 2 des technologies sur une inflation, ne commandez plus en Chine, ils ne sont égarés. Les voitures volantes en 2040 passent et repassent sur autopilotage. Les essences sources de collection sur organisation des concessionnaires. Plus de fric à l'horizon, aucune assistance limitée à 110 tout véhicule. Voici l'organisation à proprement parler de la nouvelle république. Pour les hackers, nouveau permis donné car un tel badge à l'arrière des fumeurs. Tout se passe bien, on est en bien plus 90 minutes les escrocs. iFood, boisson rafraîchissante, je vieillis 1 milliard d'euros, petit prix de survie. Les branches Peggy sont dans la République, j'ajourne. Peggy 100, duel de vainqueur pour la fin, donné gagnant, ton opère 30 ans en arrière, je galère. Nouveau jeu, ça manque de place, donc grande map, 5 ans à finir, on a SFX 2.2.2 actualisé de jeu gamers. Le BTP, premier permis de France pour le travail, et nous ont offert pendant tant d'années des œuvres idylliques. Petit Mano Mano Mano donne des outils qui en font notre panoplie d'outils. La guerre déplacée sur une des 6 planètes Mars dans notre galaxie. Une logistique à part pour les militaires qui tirent à blanc, armes réelles. Les clans s'affrontent comme un réel Tom Hanks.